À la télé, c'était bien ta gueule. Ouais, ma gueule, entouré d'hypocrites. Nous, on se sentait seul. Mais regarde-toi, putain, t'es devenu un pantin. Cache les mains, bouge la bouche. Mais ne dis rien, hier, t'avais le beau rôle. Ouais, t'étais un grand. Et toutes nos icônes, sortez le terrain. T'es Larsin, changé en Larsin. Le gars bien, changé en vaurien. Ton royaume, ta couronne. Que du toc, c'est que la droite prône. Tu le colportes, Sarkozy. N'a pas le monopole de la connerie. Saloperie philosophique, tu prônes l'ami, pouvoir et money. Richesse et pauvreté d'esprit, même son fils. Se détient aujourd'hui. Tu me parles de Tessie, mais je suis pas né au ghetto. J'ai pas vu le jour à Grozny sous les bombes des fachos. Et le rap, si ton métier c'est de parler, quand t'as rien à dire, faut juste la fermer. Living in a strange world where we wanna live to show. Oh yeah, just to show you. With the gold, bling bling money everywhere on your body. You living in a strange world where everyone lives only to show. With the gold, bling bling money everywhere on your body. You believe in no pain, no gain. You live a life like a sex machine. With always cocaine, with always cocaine in your brain. Say bitch, then woman. With hatred, I'm a slogan. You are the hater, you love the human. You can dance, you Brooklyn. Hate sex, power and violence. You believe in being that strong to feel. Just for you, like that. Like that, it's not as soon as it all feels. You live in a strange world where we wanna lead you show. Just to show you. Je pense que le rap est une sous-culture d'analphabète. Le point de départ, c'est l'écrit. Quoi, ce qui m'intéresse, c'est parler aux gens, aux curieux notamment, ceux qui se déplacent pour voir telle ou telle chose. J'ai toujours combattu contre les étiquettes, donc en venant du rap, je suis aussi dans le slam et aussi dans le théâtre, et je suis auteur avant tout.